ce monde pourrit de chacun. Tout le monde veut le crâne et cherche la caille. La corruption règne, on s'entraîne comme une tornade infernale. Dans tous les pays, c'est les plus rageux qui tiennent les rênes, sentiers marécageux. En marge, les temps s'injectent du poison dans les cageux. Des cageux, des enfants de la rue, on défend pas qu'ils fassent carnage. Faut être un vrai carnassier, avoir des nerfs en acier. Distinguer le bien du mal pour sortir les petits glaciers. L'argent des gars, de chômage, de pégrés pour de patrons. Qui portent tôt, de manifestants sous l'écho. Des pauvres innocents sous écrou. Des accidents d'impégués de corps écrasés sous les roues. Des vols de bijoux dans les hôpitaux. Et des journalistes qui pourraient avoir trop parlé. Finissent le corps criblé dans un trou esselé. Des vieilles qui chérissent leurs clébards. Les nourris jusqu'à exploser. Laissent crever des clochards. Sale monde de charognards. L'univers est pris dans un spirale. On ne vit pas, mais on survit, entouré de vicieux et de pirates. Inondations, cyclones, élections, grands agrément. Nos frères et stars courent comme les tailles, leurs satellites qui nous piratent. L'univers est pris dans cette pirate. On ne vit pas, mais on survit, entouré de vicieux et de pirates. Inondations, cyclones, élections, grands agrément. Nos frères et stars courent comme les tailles, leurs satellites qui nous piratent. Le monde tourne mal, l'évolution néfaste persiste. Raciste, globe va vomir ce qu'il avale. L'humanité n'est pas meilleure que le règne animal. À l'heure où le lion on va chasser sa proie, on va causer le massacre. Le massacre. L'économie de l'art se noie dans le progrès. C'est bien trop facile de devenir quelqu'un sur les 3 W. Vivre ses rêves n'est plus actuel. Le monde est un cauchemar. Les chefs de meufs sont des intellectuels. Les forts ne payent plus, les forts sont à la pointe. À l'heure qu'il est, les forts sont trop malins. Faut passer pour les faibles. On condamne une mère famille pour vol de steak. Au même moment où on se félicite la construction d'usine à la Tony Stark. L'erreur est humaine, tout le monde connaît la face. Mais dis-moi, où est l'humanité dans l'horreur des chambres à gaz? Je ne suis personne, ma voix n'est pas trop sale. Je teste l'ordre établi, mais moi aussi je ne suis qu'un détail de l'histoire. L'univers est pris dans cette spirale. On ne vit pas, mais on survit, entouré de vicieux et de pirates. Inondations, cyclones, élections, grands agrément. Nos frères et stars courent comme les tailles, leurs satellites qui nous piratent. L'univers est pris dans cette spirale. On ne vit pas, mais on survit, entouré de vicieux et de pirates. Inondations, cyclones, élections, grands agrément. Nos frères et stars courent comme les tailles, leurs satellites qui nous piratent. Putain, pute matérialiste, tu vis à la recherche de l'or, le sort de la terre et la foudre. T'as le confort qu'il te faut et le foutre dans ta chatte. À chaque soirée de boîte, tes parents ont tout fait mais t'es qu'une bouffe. Étouffé dans ce monde qui souffre, je ne peux que dénoncer les faits qui s'offrent à moi. Me laisse dans le gouffre d'un rap ténébreux. Nombreux nous sommes dans les sous-sols, mais tout seul sans boussole, toujours prêt à faire feu. Pendant que tes pucelles consomment du caviar, du mousseux. Et nous sommes pour les bourgeois, des crevards, des bouseux. Trop ferme les yeux sur la sombre réalité. Trop se pour le compte sur le compte de la misère par des filières organisées. Des gens aisés se suicident pendant que des familles blessées font tout pour survivre même face à des missiles. Chaque jour c'est l'hiver, j'écris sous la pluie des cris de guerre. Car la misère se répand comme des débris de verre. L'univers est pris dans cette spirale. On ne vit pas mais on survit, entouré de vicieux et de pirates. Inondations, cyclones, élections, grands agrément. Nos frères et stars courent comme les tailles, leurs satellites qui nous piratent. L'univers est pris dans cette spirale. On ne vit pas mais on survit, entouré de vicieux et de pirates. Inondations, cyclones, élections, grands agrément. Nos frères et stars courent